إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ربكم والتمسوا من العمل ما يحبه ويرضيه وسارعوا إلى مغفرته وجنته فالمؤمن من يرجو الله ويتقيه ولا تتبع خطوات الشيطان فإنه يضل من اتبعه ويغويه ويأمره بالفحشاء والمنكر وإلى طريق الجحيم يهديه ولقد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان ولقد جاء شهر رمضان وخلفتموه وراء ظهوركم وهكذا كل مستقبل سوف ينتهي إليه العبد ويصل إليه ويخلفه وراءه حتى الموت ولقد أودعتم شهر رمضان ما شاء الله تعالى أن تودعوه من الأعمال فمن كان منكم محسنا فليبشر بالقبول فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن كان منكم مسيئا فليتوب إلى الله فالعذر قبل الموت مقبول والله يحب التوابين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار عباد الله لئن انقضى شهر رمضان شهر الصيام فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت ولئن انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل وقت فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من شوال بعد الانتهاء من رمضان ليحصل العبد على أجر صيام سنة كاملة فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وتفسير ذلك أن صيام رمضان يقابل 10 أشهر وصيام 6 من شوال يقابل شهرين فذلك تمام الدهر الذي هو العام كاملا واعلموا أنه لا يجب صيامها من أول الشهر ولا متتابعة فمن بادر إلى صيامها وتابعها فهو أفضل ومن أخرها أو فرقها فقد أحسن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر والأفضل أن تصام هذه الأيام 3 في أيام البيض وهي اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر ومن لم يتمكن من صيامها في هذه الأيام ففي أي وقت من الشهر، ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فاتقوا الله وبادروا أعماركم بأعمالكم، وحققوا أقوالكم بأفعالكم، واغتنموا الأوقات بالأعمال الصالحات، فإن حقيقة العمر ما أمضاه العبد بطاعة الله، وما سوى ذلك فذاهب خسارا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، لا يجوز صيام يوم عيد الفطر باتفاق العلماء، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاضي فرض لما صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. يعني يجوز بدء صيام ست من شوال من اليوم الثاني من أيام شهر شوال. إن هذه الجمعة المباركة قد وافقت يوم عيد الفطر، وإن السنة أن يقيم الإمام بالناس صلاة الجمعة وخطبتها، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة بالناس، حيث صح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين في يوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، رواه مسلم. ونقلت إقامتها بالناس عن خليفة راشد، فصح عن أبي عبيد رحمه الله أنه قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطبه، فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، رواه البخاري. أما المأمومون الذين صلوا العيد مع الإمام فالمستحب في حقهم شهود الجمعة، فإن لم يحضروها فلا جناح عليهم، يعني لا لوم عليهم ولا ذنب عليهم، يعني يصلون في بيوتهم ظهرا، لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه من الرخصة. وقد قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لزيد بن أرقم رضي الله عنه: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. ولهذا الحديث شواهد يتقوى بها، وصححه جمع من المحدثين. أما من لم يشهد صلاة العيد مع الإمام فيجب عليه شهود صلاة الجمعة، فإن لم يشهدها أثم، وكان لربه عاصيا وأقدم على فعل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah et cherchez à faire les œuvres qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, et précipitez-vous vers son pardon et son paradis, car le croyant est celui qui espère en Allah et qui le craint. Et ne suivez pas les pas du shaytan, parce que le shaytan, celui qui le suit, il l'égare et il lui ordonne la turpitude et le péché, et l'amène vers le chemin de l'enfer. Et il y a peu de temps, vous attendiez le début du mois de Ramadan. Et voilà que le mois du Ramadan est venu. Et voilà que le mois du Ramadan est terminé. Et vous l'avez maintenant laissé derrière vous. Et c'est ainsi pour la majorité des choses de la vie. On les attend et elles viennent et elles partent. Et donc, vous avez essayé, comme chacun d'entre nous, on a essayé de faire son possible pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni, pour faire les bonnes œuvres et pour essayer de se rapprocher de son Seigneur. Celui qui a fait des bonnes œuvres, qu'il se réjouisse, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses bonnes actions. Tandis que celui qui a fait du mal ou des péchés pendant ce mois, et qu'il n'a pas profité, eh bien qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se repente sincèrement. Et tant que le serviteur est en vie, Allah acceptera sa repentance et il acceptera ses excuses s'il demande pardon à Allah. Et Allah aime ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'une repentance sincère. Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera rentrer dans un paradis sous lequel coulent les ruisseaux. Serviteur d'Allah, même si le mois de Ramadan est terminé, il ne faut pas s'imaginer que les bonnes œuvres et le bien sont terminés. Beaucoup d'entre nous ont fait des efforts pendant le Ramadan, mais les efforts qu'on fait, il ne faut pas les délaisser une fois que le Ramadan est terminé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur du mois de Ramadan et c'est le Seigneur de tous les mois. Et non pas seulement le Seigneur du mois de Ramadan uniquement. Et donc il faut profiter. Il faut profiter de ce mois béni. Il faut profiter de ce mois béni qui vient de passer. Et il faut continuer à faire les efforts qu'on a fait pendant tout le restant de l'année aussi. C'est triste de voir que pendant le Ramadan, la mosquée elle est remplie de gens pour prier. Même la prière de Fajr, pendant le Ramadan, on voit parfois 2 rangs, même 3 rangs parfois. Mais une fois que le Ramadan est terminé, eh bien, ça diminue encore. La prière de Isha, pendant le Ramadan, des fois, les gens ne peuvent même pas rentrer dans la mosquée tellement il y a du monde. Une fois que le Ramadan est terminé, eh bien, ça revient comme c'était avant. Donc, pourquoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, il a ordonné qu'on l'adore uniquement 1 mois par année? Ou bien il nous ordonne de l'adorer l'année entière? Allah nous ordonne de l'adorer jusqu'à la mort. Et donc il faut faire les efforts pour l'adorer pendant toute l'année. Si c'est question du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné uniquement de faire le jeûne pendant le mois de Ramadan. Il y a des mois pendant l'année qui sont recommandés aussi de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement à la fin du Ramadan, il a dit: si vous le suivez de 6 jours pendant le mois de Shawwal, eh bien, c'est comme si vous avez jeûné l'année entière. Et donc, ça, c'est une grande récompense. Et c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de faire. Et ces 6 jours, on peut les jeûner directement les uns après les autres. où on peut les jeûner séparément et on peut les espacer. C'est comme ce qui est le plus facile pour nous. Et donc ça, c'est une sunna. Le jeûne du lundi et du jeudi, chaque semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont deux jours dans lesquels Allah voit nos actions. Nos actions lui sont présentées. Et donc, j'aime que mes actions soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah est satisfait. Hein? Et que je suis en train de faire le jeûne ce jour-là quand mes œuvres sont présentées à Allah. Adam, assieds-toi mon petit. Il faut pas courir, d'accord? Barakallahu fik. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également que Abu Huraira radiallahu, en fait c'est Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon bon ami m'a enjoint de faire trois choses. La première chose, hein, les trois choses, il m'a dit, il m'a enjoint de les faire, il dit, je ne vais pas les laisser jusqu'à ma mort. La première chose, jeûner trois jours chaque mois. La deuxième chose, faire la prière de Doha, la prière de la matinée. Et de dormir en ayant fait le witr, la prière de witr, l'unité de prière avant de dormir. Et il a dit donc que ces trois jours pendant le mois, si on les fait, c'est le mieux de les faire pendant les jours de la pleine lune, le 13, le 14 et le 15 du mois. Sinon, on peut les faire dans n'importe quel autre moment durant le mois, mais le mieux c'est de les faire pendant les trois jours du milieu, hein, les jours qu'on appelle en arabe Ayyam al-Bayt. Et en ce qui concerne aussi la prière de la nuit, pendant le ramadan, on fait le tarawih tous les soirs. Et il ne faut pas penser que la prière de la nuit, c'est uniquement pendant le ramadan. Il y a aussi Qiyam al-Layl qu'on peut faire pendant toute l'année, si on veut. On peut faire 2 rak'at, on peut faire 4 rak'at, on peut faire 6 rak'at, on peut faire 8 rak'at, on peut faire 10 rak'at, puis on fait une de plus à la fin pour faire le witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça toute l'année. C'est pas seulement pendant le ramadan. Donc il ne faut pas penser que Qiyam al-Layl, c'est seulement pendant le ramadan. Mais bien entendu, la différence avec le ramadan, c'est que le ramadan, on le fait en groupe à la mosquée, tandis que le reste de l'année, quand on fait Qiyam al-Layl, on le fait seul à la maison. Mais ce n'est pas seulement légiféré pendant le ramadan. Donc il faut continuer à faire des efforts, continuer à faire l'adoration. Le mois de ramadan, c'est un mois qui est supposé être un genre de moteur pour nous motiver et nous propulser, hein, dans le reste de l'année pour continuer à faire des efforts et pour nous réveiller, hein, à chaque année de cette façon. Donc ce n'est pas quelque chose qui est yani pour dire ça y est, j'ai fait le ramadan, c'est fini, maintenant je retourne à mon état précédent. Il y en a des gens, quand c'est le ramadan, ils cessent de faire certains péchés qu'ils font d'habitude. Hein? Et après le ramadan, ils retournent à ce péché-là. Eh bien, il faut continuer à s'abstenir à faire ce péché, même après le ramadan. Je me rappelle une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, hein, lui, il a une relation avec une femme dans le haram. Alors, il a dit à cette femme, là c'est le ramadan, maintenant on ne peut plus se parler, on ne va plus se voir. Et après le ramadan, il a dit, donc maintenant on peut reprendre parce que le ramadan est terminé. Non, ce qui est haram dans le ramadan, il y a haram à l'extérieur du ramadan aussi, de façon générale. Et donc, si tu veux avoir une relation avec une femme, fais-le dans le halal. Marie-toi avec cette femme et fais les choses de façon correcte. Mais pourquoi tu veux penser que lorsque c'est le ramadan, tu t'abstiens et après le ramadan, tu continues, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'adorer tout le temps. Et en même temps, il faut savoir que on doit donc faire des efforts dans nos œuvres tout le temps pour essayer de plaire à Allah et de faire le bien. Bien entendu, si c'est le jour de Eid, on n'a pas le droit de jeûner. C'est un jour de fête. Donc il faut profiter de ce jour-là et se réjouir avec nos proches. Bien entendu, pas pour faire qu'est-ce qui est haram, hein, comme les koufars lorsqu'ils célèbrent leur fête, ils boivent de l'alcool, ils font tout ce qui est haram. Nous, alhamdoulilah, Allah il nous a donné des fêtes dans lesquelles il y a de la réjouissance, du bien, on mange ensemble, on se réjouit ensemble, mais dans qu'est-ce qui est bon et dans ce qui est halal. Et également, il faut savoir aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le jour de Eid coïncidait avec un jour de vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que ceux qui ont prié la prière de Eid avec l'imam, ils ne sont pas obligés de faire la prière de Jumu'ah par la suite avec l'imam, puisqu'ils ont déjà fait la prière de Eid avec l'imam plus tôt. Donc lorsqu'il y a deux fêtes qui sont réunies dans le même jour, le Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr et Jumu'ah en même temps, celui qui a prié le Jumu'ah avec l'imam, c'est recommandé pour lui d'assister à la prière de Jumu'ah, mais s'il ne vient pas à la prière de Jumu'ah et qu'il reste chez lui par exemple, eh bien il peut rester chez lui prier le Dhuhr. Il peut rester chez lui prier le Dhuhr et il n'a pas commis de péché dans ce cas-là. Toutefois, s'il n'a pas fait la prière de Eid avec l'imam et qu'il ne vient pas à la Jumu'ah, là, dans ce cas-là, c'est un péché pour lui parce qu'il n'a pas fait la prière de Eid avec l'imam. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour de Eid, d'accepter nos bonnes œuvres qu'on a fait pendant ce mois et de nous pardonner à tous pour nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم